L'origine des GRB, Gamma Ray Bursts, ces énormes émissions de rayons gamma en provenance de trous noirs, est encore aujourd'hui mal comprise. Deux processus physiques sont en compétition pour l'expliquer, et tous les deux sont issus du phénomène de disque d'accrétion apparaissant autour des trous noirs. La première hypothèse fait intervenir une montée en énergie de photons gamma ou X par diffusion Compton inverse d'électrons très énergétiques, eux-mêmes accélérés par le champ magnétique monstrueux produit par le disque d'accrétion du trou noir. Les électrons fournissent une partie de leur énergie cinétique aux photons par collision élastique. La seconde hypothèse est fondée sur le phénomène de rayonnement synchrotron. Les électrons tournant à des vitesses relativistes autour du trou noir produisent dans leur trajectoire circulaire des rayons X très énergétiques. Une observation singulière d'un GRB vient d'être reportée par une équipe d'astrophysiciens anglais, slovènes et italiens. Elle permet de connaître un peu mieux les fondements physiques de ces émissions hors normes et de pencher fortement sur l'une des deux hypothèses. Le point clé qu'il fallait pouvoir observer est la présence ou non d'un champ magnétique ordonné dans ce GRB dénommé GRB 120308A. Le champ magnétique joue un rôle fondamental dans les phénomènes associés au trou noir. La matière qui s'accrète autour du trou noir dans une rotation extrême se trouve à l'état de plasma. Électrons, protons et autres noyaux sont séparés les uns des autres. Le mouvement rapide des charges électriques, un courant électrique, produit immédiatement un champ magnétique dans le disque d'accrétion lui-même, qui possède en outre une haute conductivité électrique. Dans le cas d'un disque d'accrétion en rotation très rapide, le champ magnétique est dit comprimé. Et ce type de champ magnétique associé à un mouvement de rotation conduit à la réalisation du phénomène connu sous le nom de disque de Faraday. Un générateur électrique délivrant un courant et une tension gigantesques avec une polarité constante. Ce phénomène a été mis en évidence dès 2002 dans les trous noirs. Des boucles de champ produites dans le champ magnétique hélicoïdal qui tisse le plasma à grande échelle peuvent ensuite créer des sortes de faisceaux étroits collimatés avec des angles d'ouverture de quelques degrés seulement, d'où vont pouvoir s'échapper les particules chargées, accélérées à des vitesses relativistes, de l'ordre de 99% de la vitesse de la lumière, quand même. Quand le jet de particules chargées interagit avec le milieu entourant le trou noir, souvent des nuages de gaz, vont apparaître deux ondes de choc, l'une vers l'avant et l'autre en rebond vers l'arrière. Et il se trouve que la seconde onde de choc, de rebond, se situe en majorité dans le domaine des longueurs d'onde visibles. C'est donc en observant cette lumière particulière visible dans GRB 120308A que notre équipe européenne a pu déduire la présence de polarisation dans le champ magnétique. Ils ont pour cela utilisé le télescope de 2 mètres de Liverpool, qui est situé dans les Canaries. Et évidemment, parce qu'à Liverpool, ça serait un petit peu plus compliqué. Et donc, sur lequel a été monté un polarimètre spécial appelé Ringo 2. Les Liverpooliens sont vraiment prévisibles au niveau des noms. Mesurer la polarisation de la lumière permet de savoir si cette lumière est passée à travers un champ magnétique, lui-même polarisé. Alors, Mundell et ses collègues ont mesuré une composante linéaire de polarisation de 28%. Cette valeur très élevée est proche du maximum de polarisation qui peut être produit par des électrons émettant un rayonnement synchrotron dans un jet relativiste transportant un champ magnétique ordonné. Ça tombe bien. Et c'est donc la première fois que l'on parvient à déterminer précisément une telle polarisation dans la lumière de décroissance d'un GRB. Non seulement cette observation confirme le modèle du disque de Faraday pour les trous noirs, permettant d'expliquer la production de fins jets de matière, mais elle permet en outre de pencher fortement maintenant pour le processus du rayonnement synchrotron comme étant le processus à l'origine de l'émission gamma des GRB. Et vous pouvez retrouver cet article dans le numéro 504 de Nature du 5 décembre 2013, intitulé « Highly polarized light from stable order magnetic fields in GRB 120308A ».